Vous écoutez Futur Simple sur CKRLO 89.1 et nous retrouvons maintenant Dominique Boudreau. Il est coordonnateur au Centre de démonstration en sciences physiques et, comme à son habitude, il revisite les concepts de physique à la lumière des contextes historiques. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au vide et à la pression. Bonjour Dominique. Bonjour François. Ça va bien? Oui, ça va bien toi-même. Très bien, merci. Oui, en fait, aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de vide. En fait, on a pu parler de vide existentiel ou toutes sortes d'autres vides qui sont assez intéressants. Mais j'ai voulu parler du vide en lien avec l'air ou la pression ou les gaz, et dont l'histoire est assez intéressante. En fait, commençons par une anecdote. Qui n'a jamais été impressionné en aspirant dans une paille circulaire, spirale ou serpentine, de voir le liquide se promener et que ce soit lui avec sa bouche qui fasse monter, descendre le liquide et jouer avec? Donc, on est tous fascinés par ça. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on est capable de faire monter le liquide jusqu'à notre bouche? Parce qu'on réduit la pression dans la paille. Alors, en fait, on aspire l'air, en fait. On aspire l'air. Donc ça, c'est la réponse que tout le monde donnerait. Ouais. Parce qu'en fait, la paille n'est pas vide. Il y a de l'air dedans. Exact. Oui, c'est ça. C'est tout à fait vrai. Donc, il y a de l'air dedans et on aspire. Donc, la plupart des gens diraient « j'aspire le liquide ». D'autres, peut-être pour une explication plus poussée, un peu comme de mentionner, « j'aspire l'air qu'il y a dedans ». Ça crée ensuite, peut-être une espèce de vide et le liquide vient combler ce vide. En fait, cette idée de combler le vide, c'est une idée qui date, en fait, qui est naïve un peu, en fait, on pourrait dire ça aujourd'hui, mais qui date de très longtemps. C'est Aristote qui a eu un peu cette idée il y a 300 ans avant Jésus-Christ, en fait, donc il y a plus de 2000 ans maintenant. Et cette idée a perduré pendant des centaines d'années, pendant près de 1800 ans. C'est autour des années 1600 que ça a changé. Cette idée-là a été cristallisée dans une phrase qu'on appelle « la nature a horreur du vide ». Et donc, elle le comble tout le temps. Ça, d'une certaine manière, on peut l'imaginer. Si on essaie de faire un trou dans l'eau, il se comble assez rapidement d'air, puis ensuite d'eau. Et donc, par expérience commune, on a dit « la nature a horreur du vide ». Le vide est toujours comblé. Et en fait, les fontainiers de Florence, italiens du 17e siècle, ont été confrontés d'une certaine manière à ce problème. Ces gens qui construisaient des fontaines pour les grands palais et tout ça ont remarqué qu'avec les pompes qui existaient à l'époque, on ne pouvait pas amener l'eau à plus de 10 mètres de hauteur. On pensait que c'était un problème technique, qu'il y avait des fuites quelque part, où les pompes n'étaient pas assez puissantes ou tout ça. Et donc, on a soumis aux gens de l'époque, aux savants de l'époque, entre autres Galilée, le problème. Galilée, il était rendu un peu à la fin de sa vie, il y avait d'autres choses à fouetter, donc il a soumis ça à un de ses étudiants, Evangelista Torricelli. Lui, en pensant à ça et en faisant quelques expériences, s'est dit, c'est intéressant, mais on pourrait peut-être essayer autre chose. Imaginons remplir des grands tubes d'eau et complètement, donc fermés à une extrémité, ouverts à l'autre, les retourner, les mettre dans un bassin d'eau et voir ce qui se passe. Si le tube est plus long que 10 mètres et que l'eau reste complètement dans le tube 12 mètres de haut, donc, ça voudrait dire qu'effectivement, c'était peut-être un problème technique. Sinon, on verra. On fait une expérience puis on va voir. J'aime ça, j'ai hâte d'entendre la suite. Mais en fait, vous imaginez assez vite que travailler avec des tubes de 12 mètres de long, c'est pas très pratique. Non. Et donc, ça peut être pesant aussi, là, avec de l'eau dedans. Tout à fait. Donc, Torricelli imagine de faire ces expériences-là avec du mercure, qui est qui est un métal liquide, qui est beaucoup plus dense que l'eau, et donc on peut réduire cette dimension-là. Donc, on ne travaille pas dans les mètres, là. Voilà. On travaille avec des tubes d'un mètre. Donc, il prend des tubes d'un mètre. Et pas de 12 mètres, là. Non, c'est ça. Il est rempli de mercure, et l'expérience qu'il va faire, c'est qu'il va les tourner à l'envers, boucher d'un côté, du côté où ça pourrait déborder, le met dans une cuve de mercure, relâche le tout, et ce qu'il se rend compte, à sa grande surprise, d'une certaine manière, c'est que le liquide, le mercure, va tomber, mais va s'arrêter à une hauteur définie, de 76 cm au-dessus de la surface du mercure. Mais là, il y a quelque chose qui se pose. L'espace qui est créé entre le bout du tube qui est en haut et la surface du mercure semble être un espace vide. Mais là, il y a pas de la depuis 1800 ans, on dit que la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qu'il y a là? Les gens qui sont plutôt de l'avis d'Aristote, qu'on appelle les aristotéliciens, vont dire non, ça se peut pas que ce soit du vide, ça doit être de la vapeur de mercure ou de l'air purifié parce qu'il est passé à travers les pores du verre ou une matière subtile qu'on ne connaît pas encore, qu'on va découvrir peut-être. Donc, toutes sortes d'idées pour rester collé à ce principe que la nature a horreur du vide. Torricelli n'est pas de cet avis, puis d'ailleurs, en faisant plusieurs expériences avec des tubes de longueurs différentes et de grosseurs différentes, il va trouver que le mercure reste toujours à une hauteur de 76 cm à partir du bassin. Et donc, pour lui, c'est plutôt peut-être le gage du poids de l'air. Le poids de l'air qui s'exerce sur la surface du mercure est peut-être la force qui agit et qui fait monter, d'une certaine manière, le mercure dans le tube compte tenu qu'il n'y a pas de force qui s'oppose à l'intérieur du tube, uh-huh. puisqu'il n'y a pas d'air ou il n'y a pas d'autre chose. En fait, on ne sait pas trop, mais voilà. Et donc, il y a un débat qui s'installe entre les aristotéliciens et Torricelli, puis les gens de son époque qui sont d'accord avec lui. Mais il va revenir au français Blaise Pascal, qui est une autre personne importante. En fait, c'est lui qui va éclaircir ce mystère du vide, du poids de l'atmosphère et tout ça. Donc, on se transporte en France, mais à l'époque, le transfert des connaissances se fait pas comme aujourd'hui par Internet ou par les publications même, c'est par des correspondances entre scientifiques. Et il n'y a pas de centre de recherche à proprement parler, il y a des universités où on discute justement des idées d'Aristote et tout ça, mais c'est surtout des groupes privés qui se réunissent dans des résidences souvent privées, une qui élite, correspondent, voilà. Et c'est comme ça que les idées se diffusent. Donc, Blaise Pascal entend parler, il fait partie d'une de ces conférences privées. Parce qu'il s'est fait voir assez tôt, là, assez jeune, et il a fait des choses assez remarquables. Donc, à 12 ans, il a démontré la 32e proposition du théorème d'Euclide. Euclide, qui est ce géomètre grec qui a systématisé un peu la géométrie. En fait, tout ce qu'on a appris en géométrie, ça vient un peu de lui. Et donc, remarqué très tôt par ses pairs, c'est lui qui va donc publier, refaire les expériences en France concluantes du tube de Torricelli, et va publier ses récits d'expérience. Ce qui est nouveau, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Blaise Pascal publie ses récits d'expérience et met vraiment l'emphase sur l'expérience, pas tant sur l'argumentation pour essayer de convaincre que c'est du vide qu'il y a là, tout ça, mais vraiment sur ce qu'on peut tirer de l'expérience elle-même. Et ça va pas à l'encontre, mais c'est nouveau, parce qu'avant, on a toujours débattu sur qu'est-ce que les anciens en disaient, qu'est-ce que les philosophes d'avant en ont dit, comment on peut argumenter logiquement, est-ce que ça c'est logique ou non, oui, non. Donc, on discute sur des principes. Là, lui met l'accent et l'emphase seulement sur l'expérience et ce qu'on peut en tirer. Et donc, il débat pas de la nature de l'espace du vide, ça semble vide. Mais de la même façon que ça peut être du vide, ça pourrait être aussi de la vapeur de mercure oui, ou autre chose. Mais il y en a tellement mais peu. Mais on peut pas départager, on peut pas dire que c'est pas du vide juste parce que Aristote le dit. Donc, on met l'emphase vraiment sur l'expérience. Ça commence à poindre vers la méthode scientifique qu'on connaît aujourd'hui. Et comme le mercure se fixe toujours à 76 cm, il y a là nature à expérimenter plus. Parce que ceux qui pensent que c'est le poids de l'air sur le mercure qui fait monter le liquide à 76 cm, peut-être qu'on peut faire varier ce poids de l'air. Comment? Uh-huh. Si on monte en haut d'une montagne, uh-huh. il risque d'y avoir un peu moins d'air au-dessus uh-huh. de cette cuve de liquide, et peut-être qu'on peut voir un changement. Mais il y en a qui ne croient pas. Uh-huh. Il y en a d'autres qui disent, comme Blaise Pascal, disent, oui, peut-être que ça ne marchera pas, mais si ça marche, c'est décisif. Parce que imaginez que la nature a horreur du vide plus ou moins selon qu'on est en haut d'une montagne ou en bas d'une montagne, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors que si on s'imagine que c'est le poids de l'air puis qu'on voit une différence, là, c'est beaucoup plus raisonnable de croire qu'il y a un changement du poids de l'air entre le bas et le haut de la montagne. Et donc, s'organise une expédition pour aller effectivement essayer de voir si le tube de Torricelli change la hauteur du mercure lorsqu'on se déplace le long de la montagne. Donc, le 19 septembre 1648, il y a une équipe qui est conçue, en fait, qui est mise en place, se rencontre dans le jardin du couvent des Pères Minimes à l'époque, et on prépare deux tubes de Torricelli, on fait des expériences, on trouve une hauteur de 26 pouces de 3 lignes et demi. Donc, okay. C'est les unités qu'on utilise à l'époque, à peu près 76 okay. cm. On remballe le tout, on fait plusieurs fois l'expérience, évidemment, on remballe le tout, on monte avec un des tubes de Torricelli en haut de la montagne, on déballe, on fait l'expérience, et sous les yeux ébahis des gens qui sont là, aristotéliciens, notables, des gens qui vont pouvoir témoigner de l'expérience, c'est comme ça qu'on faisait la science à l'époque, ça prenait des gens de confiance qui vont dire oui, on l'a vu, oui, c'était ça, tout ça, c'est comme ça que la science se faisait à l'époque. Établir les faits, là. Établir les faits, exactement. Et donc, on trouve 23 pouces. Au-dessus du Puy du Dôme, qui est une montagne qui monte à 500 toises, environ 1000 mètres, au-dessus de la ville qui est en bas de Clermont, qui est en France, évidemment. Donc, il y avait une différence. Donc, il y avait une différence de 3 pouces, un peu plus grande que 3 pouces. C'est quand même pas mal. En redescendant, on fait une mesure à mi-hauteur, on trouve une valeur intermédiaire, exactement. Et donc, on publie évidemment cette expérience, le traité des liqueurs, de l'équilibre des liqueurs, on l'a appelé comme ça, en 1654. Et en fait, à partir de ce moment-là, on débat plus vraiment de la nature du vide en tant que tel, mais on vient d'établir que l'atmosphère a un poids. Et ça, c'est quand même assez fondamental. On savait un peu que les changements climatiques semblaient faire varier la pression des gaz et tout ça, mais là, c'est établi plus clairement. Mais en plus de ça, la publication de ça, Blaise est fidèle à lui-même, Blaise Pascal est fidèle à lui-même. D'ailleurs, l'unité de la pression aujourd'hui, le pascal, oui. La pression atmosphérique, c'est 101,3 kilopascal, ça vient de lui. Donc, voilà. Pascal a, dans sa publication, encore une fois, mis beaucoup l'accent sur les expériences. Et donc, on voit là, en germe, ou en fait, le début de la méthode expérimentale, où on met vraiment l'emphase sur les expériences, sur le fait que plusieurs expériences nous amènent à une explication, qui n'est pas tant de débattre des principes antérieurs, tout ça, mais d'essayer de faire dire quelque chose à l'expérience elle-même. Puis, suite à ça, ben, on voit apparaître des barèmes, parce que dans les expériences qu'il a proposées, Blaise Pascal, il dit, ben, on semble voir qu'il y a une variation, même sur un même lieu, à travers la journée. Ah oui. Donc, on voit apparaître des instruments, on instrumentalise ou même on amène la science dans le quotidien. On investit l'espace quotidien d'instruments qui deviennent des instruments scientifiques. Et donc ça, c'est assez intéressant, puis ça change un peu la vision de l'époque, ou en fait, comment on faisait de la science à l'époque. Maintenant, c'est ce qui change un peu à cette époque-là, c'est ce qui en fait une expérience cruciale ou une expérience historique ou un fait historique particulièrement intéressant. Évidemment, ça mène à l'élaboration de pompes à vide, tout ça, de toutes sortes d'expériences sur le vide, les sphères de Magdebourg que vous connaissez peut-être, où il y a quelqu'un qui a mis deux sphères ensemble, a fait le vide. Puis ensuite, il fallait décoller les sphères en forçant. Les hommes n'étaient pas capables, on a mis des chevaux, ça ne marchait pas non plus. En fait, il faut savoir que cette pression de 101 kilopascal, 100 000 pascal, c'est l'équivalent de 10 tonnes par mètre carré. Oh là là. Et donc ça, c'est l'équivalent du poids de l'atmosphère. On ne le sent pas, on a l'impression que l'air n'a pas de poids. Pourtant, un mètre cube d'air a un poids ou une masse, si on disait ça comme une masse, d'un kilogramme. Okay. Donc on ne le ressent pas, mais en fait, à la surface de la Terre, c'est comme si on était dans le fond d'une piscine remplie d'air. Uh-huh. Et tout le monde sait que quand on va dans une piscine un peu creusée, puis qu'on va dans le creux, justement, ça fait mal aux oreilles à cause de toute la pression de l'eau. Oui, l'eau, on sait qu'elle a un poids. Hein. Tout à fait. Voilà. Une tonne par mètre cube. Voilà, exact. Donc c'est à peu près 1000 fois moins pour l'air. C'est ça. Mais ça en a quand même une. Mais même pour l'air, je veux dire, un pouce, là, c'est 14 livres de pression d'air, ça. Voilà, c'est quand même. C'est quand même beaucoup, 14 livres sur un pouce carré. Là. Effectivement. Uh-huh. Et donc aujourd'hui, ben, le vide, il y en a partout. On pourrait difficilement faire ça en physique. On n'a qu'à penser à la découverte relativement récente des ondes gravitationnelles qui se font dans un interféromètre, un grand tube de 4 km de long d'un côté. Sous vide, effectivement. Il fallait en pomper de l'air, là. Voilà. Les accélérateurs de particules qui sont sous vide aussi. Donc ce serait difficile. Mais même à l'époque, on commence à explorer. Donc on fait le vide où on raréfie des gaz. L'électricité, ça fait pas longtemps que c'est découvert. Dans les années 1800, on soumet ces tubes à l'électricité. On voit apparaître de la lumière. Donc c'est les lampes fluorescentes qu'on a aujourd'hui. On va dire un peu sur ça. Il y a aussi donc toutes sortes de technologies par rapport au vide. Même l'espace. En fait, évidemment, le vide, on l'associe à l'espace intersidéral. Avec Newton, on avait un espace qui était vide. Maintenant, les ondes électromagnétiques se déplacent dans le vide. Quel est le médium qui fait bouger ou en fait qui déplace les ondes électromagnétiques? On a trouvé qu'il n'y en avait pas. On a pensé à l'éther, on a trouvé qu'il n'y en avait pas, donc le vide était vide. Mais depuis Einstein a dit le vide n'existe pas. L'espace, en fait, est intimement lié à la matière qu'il y a dedans, l'espace-temps, en fait. Et donc, aujourd'hui, on pourrait revenir avec cette idée que la nature a horreur du vide, parce que le vide, même aujourd'hui avec la physique quantique, le vide n'est pas vide, c'est un vide quantique qui est rempli de particules virtuelles, de possibilités, de potentiels, etc. Et donc, d'une certaine manière, le vide n'est pas vide, même aujourd'hui. En fait, on peut dire que ce qui a horreur du vide, c'est bien l'humain. en voulant expliquer à tout ce qui l'entoure. Donc, on veut peupler notre imaginaire et notre conscience de toutes ces explications, parce que le vide, ça fait peur un peu. Effectivement. Ben, on va repenser à tout ça la prochaine fois qu'on va boire un liquide dans une paille, Dominique. Exact. Donc, en fait, pour conclure là-dessus, oui. Lorsqu'on aspire à quelque chose, on ne l'aspire pas vraiment. En fait, c'est le poids de l'atmosphère qui appuie et qui nous nourrit de ce liquide. Tout ce qu'on fait, c'est de diminuer la pression à l'intérieur de la paille. C'est un fait. Alors, merci beaucoup, Dominique. C'est toujours un plaisir de te recevoir à Futur Simple. Alors, on va faire une pause publicitaire et on vous revient après avec Camille Bélefèvre.